8h13, le matin, on est obsédé. Obsédé par quoi? Par le fait de vous réveiller avec de la musique qu'on aime bien. WIP Dream. Maximum et Salut présente le disque de la Mega Dance Party avec Indra. Dans une méga compile, la Mega Dance Party avec Bond 55, Mode, Level 2, D-Tech, Rosine Clark. Mega Dance Party, c'est une compile avec Maximum et le magazine Salut. Maximum et Fiafi, je vous invite à découvrir le plus grand reporter de tous les temps. D'où il sort? C'est lui-là. Tintin et son fidèle compagnon Minou. 61e anniversaire, Maximum et Philippine vous offrent 200 mallettes avec un max de cadeaux. Pour nous, l'affaire est claire. Deux grands dessins animés en vidéo. Le lac au requin. Le temple du soleil. Plus un double album et une série de 4 pins. Je dirais même plus, clair comme... l'éclair. Gagnez ces mallettes à tout moment sur Maximum avec Philippine. Écoutez, c'était le lundi 15 avril 1991. Au 45 tours... Réveil musical matinal. Maximum des nouveautés à vous en faire baver. Pour la première fois sur Maximum, de la solo. Ring, ring, ring. SSR, To Be House, ça va bien ça. Maximum, ça startine pas mais ça s'écoute. Fortuna tout à l'heure pour... Oh, Fortuna. Il est 28, c'est le plus info. On retrouve Hélène Zélani. Bon, on le menaçant. Maximum 8h30, Dom Dom Père. La radio, que les autres radios écoutent. Que les autres radios écoutent. Maximum. Patanjali. surtout le vrai roi des Belges, le baudouin de la musique, Frédéric Ster. Salut à tous. Voici Sarah et Hélène Zelani pour le plus info. Maximum 9h et c'est Fred Rister. Maximum. Maximum. Maximum pour faire la fête, croyez-moi les petits crunchs adorés, nous sommes loin d'être les derniers. On va le prouver tout de suite avec une exclusivité cette semaine sur Max qui est en nouvelle musique. La reprise de la danse des canards, que là tout le monde va danser dans sa bagnole, dans la rue, dans le métro. T-Birds, Birds Dance. Maximum, Rotterdam, Potverdek et Poffertjes, ça vient de Hollande, mesdames, messieurs, c'est en nouveauté cette semaine sur Max. Et nulle part ailleurs, T-Birds, Birds Dance, à tout à l'heure. Vous aimez Maximum, alors conservez un collector. Les vitrines Power Maximum, you got it. Blanches noires, elles sont exclusives et numérotées. Personnalisez vos mix avec Maximum. Les deux poitrines Power Maximum au prix exceptionnel de 79 francs chez tous les revendeurs Power. Toutes les adresses sur 3615 Maximum. Les poitrines Digi Power Maximum, attention, série limitée. Maximum Madison et le magazine L'Affiche vous offrent la neige. Pour gagner, c'est simple. Direction un magasin Madison, demandez L'Affiche. Cherchez Illico Presto, le coupon réponse. La question est vachement facile, c'est sur l'album de FFF, Blast Culture. Tirage au sort et hop, la neige est pour vous pendant une semaine durant le forum de Courchevel à l'affiche. Vite, gagnez un maximum de neige avec Madison et l'affiche. Ça bouge dans la musique. Maximum. Les années maximum commencent. Maximum. La nouvelle musique à son maximum. Maximum. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sûr. Maximum. Et bonne fête à tous les saints. Bah donc bonne fête à toutes les filles. Et Dieu sait si nous on connaît beaucoup de beaux saints ici à la radio, surtout ceux de nos journalistes. Si si Péliston sur Max. Et nulle part ailleurs. Yeah, finally. Maximum, mesdames, messieurs, je vous ferai une confidence. C'est aussi fort que l'orgasme avec à l'instant Sissi Péliston. Et finally, je vous retrouve tout à l'heure avec Soul to Soul et le nouveau Cathy Dennis. Maximum. Back to life, back to reality. Maximum.